Marcel, venez. Les cours du Collège de France, Antoine Compagnon. Études, essais, romans. Vous avez vu cet homme ? Proust, essayiste. Vous voici conviés cet été aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche en compagnie d'Antoine Compagnon. Meryl Moneghetti. Comment Proust et Sainte-Beuve partagent-ils avec un certain bonheur le mot « rayon » ? Quelles sont les expressions bizarres, les déraillements charmants, les rapprochements anachroniques de Sainte-Beuve que Marcel Proust relève dans sa lecture, pas toujours à charge, de l'illustre critique du XIXe siècle ? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire « Littérature française moderne et contemporaine », poursuit aujourd'hui l'analyse du rapport ambivalent de Proust avec Sainte-Beuve dans le cadre de sa série « Proust essayiste ». L'auteur de La recherche du temps perdu valorise dans sa théorie littéraire l'identité du moi créateur face au moi social promu par Sainte-Beuve dans ses articles. Chez Proust, le procès est à charge le plus souvent, comme le rappelle Bernard de Fallois dans la préface de l'édition « Contre Sainte-Beuve », et je le cite. « La sottise du jugement de Sainte-Beuve sur Stendhal montre l'erreur de sa méthode, qui consiste à interroger les témoins, les gens qui ont connu un écrivain. Car le moi du poète est caché, celui que Sainte-Beuve saisit est purement extérieur. Et c'est ainsi que sa critique, au lieu d'éclairer de l'intérieur, finit par ressembler à une conversation, par être vide. » Si nous retrouvons aujourd'hui ces critiques, Antoine Compagnon nous montre aussi un Proust sensible aux réussites de Sainte-Beuve. Ce sont les belles trouvailles notées dans le carnet 1 de Proust. Et nous gagnons le Collège de France le 19 mars 2019. J'ai commencé la semaine dernière à parler de Sainte-Beuve, puisque Proust, essayiste, c'est pour beaucoup Proust et Sainte-Beuve. Et j'ai insisté la semaine passée sur l'ambivalence de Proust à son endroit, puisque j'avais donné comme titre l'expression « aimer Sainte-Beuve » que je trouvais chez lui. Alors le beuvisme de Proust dans ses années intermédiaires entre Jean Santeuil et À la recherche du temps perdu est attesté. Il cite au printemps 1905, je le rappelais la semaine dernière, le livre de Léon Séché, et il s'intéresse surtout au deuxième tome qui porte sur les anecdotes, sur les femmes, plutôt qu'au premier tome qui porte sur les hommes et sur les idées. Et ce beuvisme de Proust, on le retrouve dans ses années chez ses amis, Jacques-Émile Blanche, ou encore Reynaldo Hahn. Reynaldo Hahn restera toujours fidèle à Sainte-Beuve. Par exemple, il refuse de douter de l'existence d'Homère. Et Proust évoque cette question dans une lettre à Marie Nordlinger, justement durant l'été de 1905. C'est le moment où il travaille sur la lecture, où il vient d'ajouter les premières notations sur Sainte-Beuve, les notes que j'évoquais la semaine passée. Et c'est contemporain aussi de la lecture de Léon Séché. Et voici ce qu'il écrit à son ami. Il m'a avoué, c'est Reynaldo, sa tristesse de savoir que cette Iliade était une œuvre anonyme et collective et non l'œuvre du vieil Homère. Je l'ai consolé en lui apprenant que cette opinion de l'œuvre collective n'avait plus aucun crédit auprès des savants et qu'elle n'en avait jamais eu d'ailleurs auprès des gens de bon sens. Il doutait encore, mais je lui ai mis entre les mains une revue de Paris où un excellent article de M. Bréal lui démontrera formellement qu'Homère a existé comme Massenet, que l'Iliade a été composée comme Sésame and Lilies et même écrite et non récitée. Tout cela a paru le remettre. Et vous voyez que Proust fait cette distinction entre les gens de bon sens, ce sont les bons esprits, les honnêtes gens, et les savants, toujours ce tropisme anti-philologique. Et l'allusion est donc à un article de Michel Bréal, publié dans la Revue de Paris en 1903, intitulé « Un problème de l'histoire littéraire ». Je vous rappelle que Michel Bréal, qui était un grand professeur de linguistique au Collège de France, était aussi lié à Madame Proust. Donc il le lit comme un lointain membre de sa famille. Proust ne prend pas parti dans cette affaire. On ne sait pas très bien ce qu'il pense de l'existence d'Homère et de la thèse de Bréal. Je ne sais pas s'il n'y a pas une touche d'ironie dans la comparaison avec Massenet, mais on ne pourrait pas l'affirmer. Et il semble en tout cas heureux pour Reynaldo que Bréal confirme sa conviction. Mais je crois que cela nous rappelle que la théorie littéraire de Proust n'est nullement celle de la mort de l'auteur. Pour Proust, Homère a existé. C'est plutôt l'identité d'un moi créateur qui est différent de celle du moi social. Et lorsqu'il s'oppose aux théories du progrès en littérature, Proust écrit, c'est toujours dans le Contre-Sainte Beuve, « Un écrivain de génie, aujourd'hui, a tout à faire, il n'est pas beaucoup plus avancé qu'Homère. » Ce dont le narrateur apprend toutefois à douter à la suite de la déception qu'il éprouve en découvrant que Bergotte, l'homme, n'est pas à la hauteur de l'œuvre. Même cette théorie proustienne, Proust peut parfois en douter quand il rencontre Bergotte. Et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui, ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte, si les différences entre les œuvres ne seraient pas le résultat du travail, plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités. Donc, même cette théorie proustienne, parfois, le narrateur peut en douter. Proust, j'insistais aussi la semaine dernière sur cela, se donne des allures d'érudit beuvien, de savant. Je voudrais citer une autre discussion savante et même un peu pédante qui est précisément contemporaine du Carnéen, donc des lectures de Sainte-Beuve, avec Henri Bordeaux. Donc Proust s'engage dans sa correspondance avec ses amis comme un connaisseur de Sainte-Beuve. Et c'est à propos d'une phrase, d'une lettre de Chateaubriand à Madame de Duras. C'est une phrase qu'il note dans le Carnéen. Chateaubriand, ses innombrables passions, Madame de C, Castellane, Madame Hamelin, Madame de Custine, etc., etc., etc., voilà à quoi il s'intéresse, aux passions de Chateaubriand, son fond d'ennui pour lequel aucune société, fortune ne pourrait suffire, désir de paraître supérieur à ce qui nous plaît, épingle de cravate, je ne sais pas très bien ce que font ces épingles de cravate, là, si vous avez une idée, donnez-la-moi. Et puis, la phrase, « Dites-lui de vous faire quelques-unes de ces tempêtes d'automne. Dites-lui que je suis né au bord de ces flots. » L'origine, c'est une phrase assez célèbre de Chateaubriand dans une lettre à Madame de Duras, qui est à Dieppe. C'est au moment de la première restauration, en 1814. Et il lui dit, voilà la phrase véritable de Chateaubriand, et on voit toujours les approximations de Proust, « Dites à la mer toutes mes tendresses pour elle, dites-lui que je suis né au bruit de ses flots, qui devient le bord, plus banal chez Proust, qu'elle a vu mes premiers jeux, nourri mes premières passions et mes premiers orages, et que je l'aimerai jusqu'à mon dernier soupir, et que je la prie de vous faire entendre quelques-unes de ces tempêtes d'automne. » C'est vraiment une phrase qui est la signature de Chateaubriand. Et elles sont donc évoquées dans cette lettre de mars 1909 à Henri Bordeaux, parce que Henri Bordeaux vient de les citer dans son livre « Portrait de femme et d'enfant » dans le chapitre qui porte précisément sur Madame de Boigne. Madame de Boigne, à qui Proust s'intéresse particulièrement, et dont il a lu les mémoires, et il a même fait un compte-rendu de ses mémoires dont j'ai déjà parlé. Eh bien, c'est dans le chapitre sur Madame de Boigne et dans un paragraphe qui s'appelle « L'ennemi de Chateaubriand », parce que Madame de Boigne détestait Chateaubriand, que Henri Bordeaux cite cette phrase « pour sauver Chateaubriand ». Et voilà ce qu'il dit, c'est ma seconde citation. « Mais n'y a-t-il pas des caractères et des sentiments fermés à une femme du monde qui ne connaît et ne comprend que la vie du monde, quelques phrases, souvent une seule expression, suffisent à nous révéler en Chateaubriand le poète qui échappe à la commune mesure par là même qu'il élargit l'univers à nos yeux. Pour Henri Bordeaux, il suffit d'une phrase de Chateaubriand pour le sauver de tout le mal que la comtesse de Boigne peut dire à son propos. Et Proust, eh bien, a été surpris par l'identité de la destinataire. Il pense que Henri Bordeaux s'est trompé, qu'il ne s'agit pas de Madame de Duras. Et en effet, je ne crois pas avoir trouvé que Sainte-Beuve citait cette belle phrase. Elle ne figure pas dans Chateaubriand et son groupe littéraire. Mais voilà la phrase qui figure dans Chateaubriand et son groupe littéraire avec laquelle Proust pourrait la confondre. Ainsi, à propos de sa course au Vésuve, M. Chateaubriand nous dit « Né sur les rochers de l'Armorique, le premier bruit qui a frappé mon oreille en venant au monde est celui de la mer. Et sur combien de rivages n'ai-je pas vu depuis se briser ces mêmes flots que je retrouve ici ?» La lettre de Madame de Duras, cette lettre avec la belle phrase, elle est citée beaucoup dans ces années-là. Elle est aussi citée par un autre des concurrents beuviens de Proust dans ces années, André Beaunier, qui publie, dans la même année 1909, un livre intitulé « Trois amis de Chateaubriand », et que c'est à la mode. Pauline de Beaumont, Madame Récamier et Hortense Allard. Et je soupçonne que c'est ce livre-là qui inspire les remarques sur les innombrables passions de Chateaubriand. Mais Proust, de nouveau, a tort lorsqu'il joue au savant beuvien avec ses amis. Proust montre une certaine prétention à se définir auprès de Robert Dreyfus ou de Henri Bordeaux comme spécialiste de Sainte-Beuve, en tout cas comme un connaisseur qui peut les corriger. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans ces deux controverses, il a tort, et que ses interlocuteurs en savent plus. Il y a la même confusion dans une lettre un peu plus tard à André Beaunier, justement, en 1912, toujours à propos de Chateaubriand et de ses relations féminines, à propos de la marquise de Custine, pour qui Chateaubriand délaissa Pauline de Beaumont. Donc, je crois qu'on peut dire que Proust a lu Sainte-Beuve, et il l'a lu plus que je ne le pensais auparavant. Je disais, j'ai trouvé au moins 90 articles qui sont cités dans le carnet 1, mais son savoir se révèle le plus souvent un peu approximatif et avec un certain désordre. Il y aurait aussi à commenter, il faudrait entrer dans ces détails, la place où se trouve les passages qu'il choisit de citer dans les textes de Sainte-Beuve. J'ai remarqué que, très souvent, ce qu'il cite d'un article de Sainte-Beuve, ça figure au tout début ou à la toute fin, à l'incipit ou à la clausule. Ou encore, ce qu'il cite, c'est souvent dans des notes. Par exemple, Chateaubriand et son groupe littéraire, il y a beaucoup de notes qui sont assez intéressantes. Et même, d'une édition à l'autre de Sainte-Beuve, il y a des notes, et les notes sont toujours très intéressantes. Alors, on pourrait donner plusieurs explications à cela. Comme Sainte-Beuve soigne particulièrement les débuts et les fins de ses articles, il est légitime de citer plus volontiers le début ou la fin, parce que c'est là où on trouve les formules. Mais je pense qu'on peut aussi faire l'hypothèse que c'est le résultat d'une lecture rapide de ces articles et qu'on lit le début et la fin ou les notes en bas de page. Et je retrouve ici une sorte de physiologie de la citation à laquelle je m'étais intéressé il y a bien, bien longtemps. Il me semble que le lieu originel de ces citations de Sainte-Beuve que fait Proust importe la place dans le texte source où il saisit la citation. Et c'est pourquoi il faut revenir au livre, aux éditions que Proust a eues en main pour comprendre pourquoi tel mot l'a arrêté, pourquoi tel mot a immobilisé son regard sur la page plutôt que tel autre. Cela dit, il est frappant de constater que dans le carnet 1, qui est donc ce carnet où il y a les lectures de Sainte-Beuve, Proust se montre sensible à des qualités, des réussites de Sainte-Beuve. Il lui reconnaît des bonheurs d'expression, alors que dans le contre-Sainte-Beuve, et puis plus tard dans La recherche du temps perdu, et aussi dans les articles de l'après-guerre, il n'en a plus que pour les défauts. Dans le contre-Sainte-Beuve, l'enquête est toujours à charge, jamais à décharge. Dans le carnet 1, on ne peut pas en dire autant, Proust reconnaît un certain nombre de bonheurs de Sainte-Beuve. Et c'est pourquoi j'avais donné comme titre aujourd'hui à la leçon « Belle trouvaille », puisque c'est une expression de Sainte-Beuve que vous voyez ici, au-dessus d'une série d'expressions ou de formulations heureuses. Belle trouvaille, belle trouvaille. Royer Collard et Danton accolés. Madame Récamier et Madame de Sablé. La plus jeune des grâces excitait les lions dans l'article sur Royer Collard. Et voilà notre homme coiffé, louchant. Alors, voilà des expressions qui intéressent Proust, à commencer par Royer Collard et Danton accolé. Ça fait référence à un article de Sainte-Beuve que Proust a bien lu. C'est un article sur l'histoire de la Restauration, l'histoire de la Restauration de Vielle-Castel, justement parce que il est question dans cet article de Royer Collard. Royer Collard, personnage mythique du XIXe siècle, auquel je reviendrai si j'ai le temps, hein, le chef des doctrinaires, un des meilleurs orateurs parlementaires. Et puis il est question aussi dans cet article sur l'histoire de la Restauration de Pasquier, du chancelier Pasquier, le vieil amant de Madame de Boigne, qui nous renvoie à Villeparisis et Norpois. Donc ça, c'est un chapitre qui intéresse particulièrement Proust. Et on y trouve ceci. Les anciens aimaient à se figurer en les unissant et les accouplant dos à dos les types et figures représentant les genres les plus contraires. Ainsi, ils assemblaient dans un même marbre, en les opposant nuque à nuque, comme les deux faces de Janus, la figure d'un Aristophane et celle d'un Sophocle. Si ce n'était une profanation à cause du sang qui tache le front de Danton, je me figurerais ainsi, ne fût-ce qu'un instant, Danton et Royer Collard enchaînés et leurs deux faces tournées vers des fins toutes contraires, deux antagonistes éternels. Alors, Danton et Royer Collard, ils sont tous les deux champenois. Ils se sont connus durant la Révolution, Danton n'ayant pas survécu, tandis que Royer Collard l'a traversé, et Royer Collard est célèbre pour une formule, c'est grand orateur, qui, au Conseil des 500, aurait dit « de la justice, encore de la justice, toujours de la justice », reprenant le mot fameux de Danton, « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Donc, il y a ça, là derrière, et Sainte-Beuve pense à cette sculpture du Louvre qui fait partie de la collection Campana, hein, montrant Sophocle et Aristophane qui sont, comme dit Sainte-Beuve, enchaînés, ce que Proust transforme en accolés. Hein. Je dis, c'est toujours des à peu près, ces citations. Voyez que ce qui intéresse Proust ici, ce sont ces rapprochements. Ces rapprochements et ces rapprochements qui souvent sont anachroniques. L'autre rapprochement de la même page, c'est Madame Récamier et Madame de Sablé. Ces rapprochements ludiques qui nous rappellent ce que Proust jeune homme faisait justement avec Lucien Daudet. C'est Lucien Daudet qui raconte les visites au Louvre où on comparait les tableaux de Ghirlandaio à tel ou tel homme du monde, ce qui se retrouve dans Un amour de Swann, dans la comparaison entre le Ghirlandaio célèbre et le nez de Monsieur de Palancy. Donc ce jeu des comparaisons anachroniques, c'est ça qui séduit et que Proust trouve comme des belles trouvailles. Et voilà, donc ce petit salon de Madame de Sablé, c'est un article que Proust connaît très bien encore, c'est l'article sur Madame Récamier. Et comme je vous l'ai dit, les articles que Proust a lus le plus chez Sainte-Beuve, c'est les articles qui concernent Chateaubriand, bien entendu. C'est un article sur Madame Récamier et dans ce corpus-là. Ce petit salon de Madame de Sablé, si clos, si visité et qui a l'ombre du cloître, sans trop s'en ressentir, combiner quelque chose des avantages des deux mondes, me paraît être le type premier de ce que nous avons vu être de nos jours le salon de l'abbaye au bois. Donc cette continuité du salon féminin à travers l'Ancien Régime, l'Empire, la Révolution et la Restauration. Et puis, la formule qui a intéressé Proust, hein, qui, Madame Récamier qui disait Proust, exciter les lions, la plus jeune des grâces, exciter les lions, la formule de Sainte-Beuve était la plus jeune des grâces qui se serait amusée à atteler des lions et à les agacer. Et encore une fois, Proust est toujours dans l'à peu près. Atteler et agacer, qui devient exciter dans la notation de Proust. Quant à l'esprit de Royer-Collard, célèbre dans l'article sur Royer-Collard, « Et voilà notre homme coiffé », Royer-Collard était célèbre pour ses mots d'esprit. Voilà la page de Royer-Collard. « Ce n'est pas un sot lorsqu'on parlait de quelqu'un », répliquait M. Royer-Collard, « c'est le sot ». Et voilà notre homme coiffé. Et Sainte-Beuve analyse ce trait de Royer-Collard qui reprend toujours la formule de l'interlocuteur pour l'hyperboliser. Sur M. Berryer, après son premier discours à la Chambre, si quelqu'un tout bonnement disait « c'est un grand talent », ce n'est pas un talent, répliquait M. Royer-Collard, c'est une puissance. Et vous voyez le bas de la citation, « que vous dirais-je, il était plus grand, il plantait le clou plus haut ». C'est ça l'esprit de Royer-Collard. Et là aussi, Proust transforme la citation « Et voilà mon homme coiffé » devient chez Proust « Et voilà notre homme coiffé » qui peut-être a plus encore la frappe de la maxime. Enfin, le mot qui suit est dans celui-ci sur Madame Récamier et Benjamin Constant de rire de la finesse allemande, expression bizarre précédent, et voilà notre homme coiffé, puisqu'il faut le nommer. Et l'expression bizarre, c'est donc ce que vous voyez là, beaucoup de prétentions et d'affiches, beaucoup de fastes et d'ébouriffures. Ce sont ces mots que Proust note parce que ces mots lui plaisent, et je rappelais la formule de Proust la semaine dernière à propos de Sainte-Beuve, il disait « c'est charmant, mais ce sont des déraillements ». Et c'est à la fois, il y a le déraillement et le charme. Et puis, toujours ces comparaisons anachroniques qui l'intéressent. À propos de Sainte-Beuve, salon Bénière, les salons que Proust fréquente dans les années 1890, bon, c'est là où il a appris les mœurs du monde, chez Madame Henri Bénière et chez Madame Arthur Bénière. Et aimer Sainte-Beuve, vous voyez que cette formule revient, aimer Sainte-Beuve, c'est sans doute aimer dans le monde ce qui y perce à jour le ridicule. Ce qu'il y a de nié dans la fatuité de Lamartine, d'indélicat dans l'égoïsme de Cousin, de risible dans le poète de Vigny. Voilà ce qu'on peut aimer chez Sainte-Beuve, c'est cette façon de d'épingler le ridicule. Alors les trois épisodes en question sur Lamartine, Cousin et Vigny, eh bien, où est-ce qu'on les trouve chez Sainte-Beuve ? On les trouve précisément dans ce qu'il y a de plus beuvien chez Sainte-Beuve, dans les Annas, ce qui sera publié sous le nom de Mes Poisons, c'est-à-dire les notations des cahiers verts et bruns qui sont recueillis en partie dans le tome 11 des Causeries du lundi. À la fin des Causeries du lundi, il y a toute une partie qui est intitulée « Notes et pensées ». Et c'est dans ces notes et pensées que l'on trouve toutes ces anecdotes plus ou moins malveillantes, tous ces saillies, ces mots d'esprit sur les uns et les autres. Et Lamartine, Cousin et Vigny sont un peu ces têtes de Turc, hein, largement chargées dans ces pages. Je crois que j'avais cité l'année dernière le passage de Sainte-Beuve auquel il revient souvent lorsque Chateaubriand ridiculise Lamartine. C'est Lamartine qui vient chez Madame Récamier après avoir publié Jocelyn pour recevoir des compliments, qui fait le beau dans le salon de Madame Récamier, et pendant ce temps-là, Chateaubriand semble absent, mord son foulard pour ne rien dire. Et Sainte-Beuve écrit, après un certain temps de conversation sur ce ton, elle le louant, lui l'y aidant avec cette fatuité naïve. C'est ça, la fatuité naïve de Chateaubriand, la, qui est qualifiée ici de niée. Elle l'accompagna jusqu'à la porte, mais la portière de la chambre était à peine retombée que Chateaubriand, qui jusque-là n'avait pas desserré les dents, quoique deux ou trois fois Madame Récamier se fût appuyée de son témoignage dans les éloges, éclata tout d'un coup et s'écria comme s'il eût été seul, « Le grand dadé ». J'y étais et je l'ai entendu. Cette formule « J'y étais et je l'ai entendu » Proust la note dans le carnet 1. Un autre endroit du carnet 1, pour lui, c'est un mot ailé. « J'y étais et je l'ai entendu », c'est le grand dadé. Et le grand dadé, il revient souvent à cette formule. Quant à Cousin, c'est Cousin qui a plagié Sainte-Beuve dans ses derniers écrits sur les femmes, qu'il a cité avec une formule malhonnête qui fait une vague allusion à son prédécesseur quand il parle de ce billet d'envoi de Madame de Sablé dont on a donné, dit-il, quelques lignes. Cette on, c'est moi-même, et qui n'est pas cité par Cousin, et comme s'il en avait trop dit, il a l'air tout aussitôt de se repentir, etc. Et du coup, les érudits scrupuleux s'y sont fait prendre. Et Cousin est vraiment l'une des haines de Sainte-Beuve. Quant à Vigny, il y a beaucoup de traits sur la fatuité de Vigny, la vanité de Vigny, et allez les voir dans ces notes et pensées qui terminent le tome 11 des Causeries du lundi. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, Proust essayiste, aujourd'hui, Belle Trouvaille. Vous voyez qu'il y a des choses que Proust apprécie chez Sainte-Beuve. Encore ceci, belle appréciation, comme il sait bien lire. Fin de la lettre de Vuillard sur Racine intercédant pour Boileau. Comme il sait bien lire. Alors, cette lettre de Vuillard, c'est un ami de Racine qui a assisté à sa mort et elle a été communiquée à Sainte-Beuve. C'est un exemple de ce Sainte-Beuve qui n'est pas un archiviste. Quand il cite des lettres inédites, c'est parce qu'on les lui a envoyées. Après la mort de Racine, Boileau a été reçu par le roi et Sainte-Beuve, ils étaient tous les deux les historiographes du roi. Et Sainte-Beuve écrit « Il y avait plusieurs années que M. Despréaux n'avait paru à la cour à cause de sa surdité et c'était Racine qui le déchargeait et se chargeait de tout pour lui. Ce n'est plus cela, ajouta le roi, il faut que vous soyez seul chargé de tout désormais, je ne veux que votre style. » Mais Boileau demande à être aidé et il reçoit un second qui est Monsieur de Valincourt, qui succède aussi à Racine à l'Académie. Donc il devient historiographe du roi et académicien en quelques mois. Et le jour où il est reçu à l'Académie, le directeur de l'Académie, qui est Lachapelle, ne cite pas Boileau, qui est à l'initiative de cette élection, d'où une terrible vexation de Boileau. Lachapelle, ayant affecté de ne point parler de Despréaux, c'est Vuillard qui parle, ou qui écrit, cité par Sainte-Beuve, avait mis Despréaux en droit de parler de Lachapelle. Ce silence lui paraît très malhonnête et très offensant. Il n'est pas aussi mort à lui-même sur pareil cas qu'on a sujet de croire que l'aurait été M. Racine. M. Despréaux est droit d'esprit et de cœur, plein d'équité, généreux ami, mais la nécessité de pardonner une injure ou est un chrétien qui veut être digne de son nom ne semble pas avoir encore fait assez impression sur son esprit ni sur son cœur. Peut-être que le temps et la distraction que lui cause son changement de demeure auront calmé l'émotion où je le vis, et peut-être plus encore les prières de son incomparable ami, M. Racine. Voici les intercessions qui ont arrêté Proust. Car, comme il s'agit de Racine, avait le cœur fort pénitent depuis longtemps, il y a sujet de le croire, par la miséricorde du Seigneur, en possession de ce bienheureux repos où l'on prie efficacement pour ceux qui sont dans le trouble des passions de la vie. Racine aurait prié pour Boileau. Touchante et sainte confiance, voici le commentaire de Sainte-Beuve, on ose à peine se permettre un sourire. L'intercession de Racine, apparemment, servit de peu. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que si chez celui-ci, vers la fin, le poète était tout à fait fondu dans le chrétien, chez Racine, il se retrouvait tout entier, toujours armé et sur le qui-vive, toujours irritable en Despréaux. L'effet de sa part suivit presque incontinent la menace, une épigramme sortie et courut aussitôt. Épigramme contre Lachapelle. Et voyez ce que Proust apprécie quand il dit « Comme il sait bien lire, fin de la lettre de Vuillard sur Racine intercédant pour Boileau, ce qu'il sait bien lire, c'est cette ironie libre penseuse de Sainte-Beuve qui se moque gentiment de Vuillard et de sa crédulité. Proust apprécie ce scepticisme de Sainte-Beuve. Lisant Sainte-Beuve, Proust est donc sensible à ce qu'il appelle des expressions bizarres. Les expressions bizarres, les déraillements charmants. Et je voudrais insister sur un terme que Proust note systématiquement chez Sainte-Beuve, et qui est en effet un terme de Sainte-Beuve, et on comprend que ces idiosyncrasies l'intéressent, parce que c'est le moment aussi où Proust fait des pastiches. Donc il s'agit de noter ces traits typiques de Sainte-Beuve. Il repère, par exemple, on pourrait faire l'analyse sur d'autres termes, encore que celui-là soit tout à fait privilégié, il repère, par exemple, beaucoup d'occurrences du terme de rayon, rayon, cher à Sainte-Beuve, et il les note avec vigilance. Alors on pourrait dire c'est pour se moquer, c'est beaucoup plus ambigu, parce que qui a lu Proust sait que le terme de rayon est aussi un terme privilégié de Proust. Et puis on peut aussi dire que Proust procède à la manière d'un étudiant, d'un savant. C'est une démarche philologique que celle-là, de repérer les occurrences d'un mot, d'entamer une concordance. Et ce mot est central chez lui, comme il l'était chez Sainte-Beuve. Alors bien sûr, on pense quand Proust repère ce mot de rayon, on pense au poème de Sainte-Beuve qui s'appelle « Les rayons jaunes », qui est si célèbre, et qui traverse le siècle, et Proust, dans le contre Sainte-Beuve, dans les pages du contre Sainte-Beuve, reconnaît en effet que les rayons jaunes, eh bien, ça vaut tout le reste de Sainte-Beuve. Voici la page. Je me demande par moments si ce qu'il y a encore de mieux dans l'œuvre de Sainte-Beuve, ce ne sont pas ces vers. Tout jeu de l'esprit a cessé, les choses ne sont plus approchées de biais, avec mille adresses et prestige. Et vous voyez quels sont les griefs, ce biais et ces ruses de Sainte-Beuve. Le cercle infernal est magique et rompu, comme si le mensonge constant de la pensée tenait chez lui à l'habileté factice de l'expression. En cessant de parler en prose, il cesse de mentir. Comme un étudiant obligé de traduire sa pensée en latin est obligé de la mettre à nu, Sainte-Beuve se trouve pour la première fois en présence de la réalité et en reçoit un sentiment direct. Il n'y a plus de sentiment direct dans les rayons jaunes et dans les larmes de Racine, dans tous ses vers, que dans toute sa prose. Proust, donc, peut-être, en raison des rayons jaunes, est particulièrement éveillé à ce mot. Il traque les rayons de Racine que l'on retrouve un peu partout dans le Carnéen. Et ce sont des rayons qui sont toujours métaphoriques, ceux qui intéressent Proust. Par exemple, ceci, dans le Carnéen, donc, parmi une liste d'expressions de Sainte-Beuve, la touche et l'accent de l'enchanteur, l'étendue du rayon. L'étendue du rayon, ben c'est une expression de Sainte-Beuve dans Chateaubriand et son groupe littéraire pour mesurer la valeur de Chateaubriand. C'est le rayon qui s'étend depuis Chateaubriand. C'est le rayonnement. Le rayon est là pour le rayonnement, l'éclat, la gloire, le prestige, l'espace. Donc il y a une métaphore qui est liée à la lumière, qui est liée à l'optique, mais qui va bien au-delà dans l'étendue du rayon. Et voici la citation de Sainte-Beuve. « Je ne prétends pas établir un rang, ni fixer la valeur des œuvres, mais seulement mesurer les rapports apparents et l'étendue du rayon. » L'envergure de cette lumière qui émane de Chateaubriand. Et en ce sens, on peut dire que M. de Chateaubriand est et demeurera en perspective le premier, le plus grand des lettrés français de son âge. Chateaubriand a un rayon qui, malgré tous les griefs que Sainte-Beuve peut avoir contre lui, puisqu'il les accumule dans Chateaubriand et son groupe littéraire, dépasse tous ses contemporains. J'ai constaté que Proust est l'un des premiers à employer l'expression de « rayon d'action ». Rayon d'action, qui, elle, est une sorte de néologisme, mais c'est intéressant puisqu'il l'emploie à propos du téléphone. C'est lorsqu'Albertine, au début de Sodome et Gomorre 2, il ne l'attend plus, elle lui téléphone, et le narrateur note que le téléphone permet de mesurer le rayon d'action d'un être lointain. Il étend cette lumière qui peut s'étendre à partir d'un point lumineux. Le téléphone étend le rayon. C'est bien un mot de Proust. Autre expression sur le rayon, celle-ci, intéressante aussi. Dernière page du volume, Causerie du lundi 6, marquée de mesquinerie et de petitesse, même volume sur Paul et Virginie, tombé sous le rayon. Tombé sous le rayon. Alors là, c'est sur Paul et Virginie, la première expression, marquée de mesquinerie et de petitesse, eh bien, c'est tout simplement les derniers mots de l'article. Oui, je vous disais, souvent Proust cite les derniers mots d'un article. L'article sur Bernardin de Saint-Pierre se termine ainsi. On le voit en définitive bonhomme, honnête homme, ressemblant au fond à ses écrits, mais atteint de quelques manies et marqué de mesquinerie et de petitesse. C'est pas très gentil de terminer un article sur un écrivain par la mesquinerie et la petitesse, mais c'est bien typique de Sainte-Beuve. Et puis, il y a à cet article un appendice, parce que on a communiqué à Sainte-Beuve 13 lettres inédites de Bernardin de Saint-Pierre. Donc, il les donne. Il donne les inédits lorsqu'on les lui envoie. Et là encore, c'est la fin de cet inédit. C'est à la fin qu'on trouve ces mots. Mais une fois, il a eu une inspiration simple et complète. Il y a obéi avec docilité et l'a mise tout entière au jour, comme sous le rayon. Alors, vous voyez, Bernardin Saint-Pierre, pour Sainte-Beuve, il est caractérisé par la mesquinerie et la petitesse, mais il a tout de même écrit un grand livre, Paul et Virginie. Alors là, il est tombé sous le rayon. Alors, l'expression de Sainte-Beuve n'était pas exactement celle-là, hein. C'était mettre comme sous le rayon, mettre cum sous le rayon, mettre tout entière à jour comme sous le rayon. Bon, on peut dire que c'est encore une fois une expression un peu incongrue, un peu bizarre, qui arrête Proust. Et Proust, d'ailleurs, condamne cet usage de comme, ce comme qui est là. Proust n'aime pas ça. Hein. Proust n'aime pas le comme qui veut dire pour ainsi dire. Il utilise comme au sens de même que. Mais dans une lettre à Fernand Gregg, il lui écrit en 1905 « Le comme qui me semble non pas même critiquable, mais peut-être un peu inutile, n'est pas le comme signifiant de même que, cela est indispensable. Non, je veux parler du comme signifiant pour ainsi dire, qui est une restriction souvent inutile. » Autre passage du Carnéen, celui-là il est bien connu puisqu'on le retrouvera chez Proust. Le bonheur n'est qu'une certaine sonorité des cordes qui vibre à la moindre chose et qu'un rayon fait chanter. L'homme heureux est comme la statue de même nom, un rayon de soleil suffit à la faire chanter. Monsieur Cousin a attaché au métier un rayon. Ah, voilà, Proust est choqué, frappé par cette expression, Monsieur Cousin a attaché au métier un rayon. C'est dans un article d'éreintement de l'éditeur de La Rochefoucauld, Barthélémy. Donou disait du marquis de Forcia d'Urban qu'il était atteint de stampomanie, la manie de se faire imprimer. Monsieur de Barthélémy est atteint, on en saurait douter, de cette maladie courante. Les palmes d'éditeur l'empêchent de dormir. Monsieur Cousin, en y passant, a attaché au métier un rayon. La stampomanie, ben voilà, c'est un article d'éreintement sur ce que Sainte-Beuve appelle encore la démangeaison, le scribendi cacoethes, la manie des crivacés. Et c'est ainsi que Cousin est caractérisé. Vous voyez que c'est vraiment un tic de Sainte-Beuve que Proust repère. Dans une autre page du Contre-Sainte-Beuve, il note une série d'expressions. Je reviens seulement sur la troisième, parce qu'elle est très intéressante. Dirige sur eux un rayon en parlant de Chateaubriand sur Joubert, relire tout l'article, etc. Dirige sur eux un rayon en parlant de Chateaubriand sur Joubert. Sainte-Beuve rend compte de la première édition des Pensées de Joubert en 1838. C'est un texte important pour Proust également. Proust est très attentif à tout ce qui concerne Joubert. Joubert intéresse Proust parce qu'il est trop intelligent pour publier. Et donc c'est, après sa mort, c'est Chateaubriand qui publie les Pensées en 1838 et on a ce beau passage de Sainte-Beuve, hein, sur, il est en train de parler de la place de Fontane et de Joubert auprès de Chateaubriand. Au sein de cette gloire voisine, unique et qu'on dirait isolée, ils s'éclipsent, ils disparaissent à jamais, hein, les amis de Chateaubriand. Si cette gloire, dans sa piété, ne détache un rayon distinct et ne le dirige sur l'ami qu'elle absorbe, c'est ce rayon du génie et de l'amitié qui vient de tomber au front de Monsieur Joubert. le rayon du génie et de l'amitié de Chateaubriand. Alors bien sûr, si Proust repère avec tant de minutie ce tic de Sainte-Beuve, il y en aurait beaucoup d'autres à noter, c'est qu'il est aussi le sien. Et l'apothéose de ce rayon beuvien, on la trouve dans le Contre-Sainte-Beuve à propos de Balzac. Balzac, qui est la pomme de discorde la plus importante entre Sainte-Beuve et Proust, c'est au moment où Sainte-Beuve vient d'évoquer la rencontre de Lucien de Rubempré. C'est au moment où il s'apprête à se suicider, à se noyer, et Vautrin, qui est déguisé en Carlos Herrera, l'abbé espagnol, à la fin des Illusions perdues. Et, bon, Vautrin sauve Lucien du suicide, lui propose un pacte, ils partent ensemble en voiture et ils passent devant le domaine de Rastignac. Et là, on a soudain plusieurs fils de la comédie humaine qui sont noués, puisque Vautrin l'entend parler de Rastignac. Et le commentaire de Proust est celui-ci. De tels effets ne sont guère possibles que grâce à cette admirable invention de Balzac d'avoir gardé les mêmes personnages dans tous ses romans. Ainsi, un rayon détaché du fond de l'œuvre, passant sur toute une vie, peut venir toucher de sa lueur mélancolique et trouble cette gentilhommière de Dordogne et cet arrêt des deux voyageurs devant la demeure de la famille de Rastignac. Sainte-Beuve n'a absolument rien compris à ce fait de laisser le nom au personnage. Cette prétention l'a finalement conduit, etc. C'est l'idée de génie de Balzac que Sainte-Beuve méconnaît là. Vous retrouvez le mot de méconnaissance que j'ai déjà évoqué. Vous voyez que les personnages reparaissants de Balzac, que Sainte-Beuve condamnait et que Proust, au contraire, découvre comme un trait de génie, il l'exprime à travers ce mot de Sainte-Beuve qui est celui du rayon. Ce rayon qui va d'une partie de l'œuvre à une autre. Voici ce qu'écrivait Sainte-Beuve. Cette prétention l'a finalement conduit à une idée des plus fausses et, selon moi, des plus contraires à l'intérêt, je veux dire à faire reparaître sans cesse d'un roman à l'autre les mêmes personnages comme des comparses déjà connus. Rien ne nuit plus à la curiosité qui naît du nouveau et à ce charme de l'imprévu qui fait l'attrait du roman. On se retrouve à tout bout de champ en face des mêmes visages. Sainte-Beuve condamnait ce procédé du personnage reparaissant. Et ça, il se trouve que c'est encore une note. C'est une note ajoutée par Sainte-Beuve en 1846 à son article de 1834 où il condamnait la recherche de l'absolu de Balzac. Vous voyez, Proust reprend cette image du rayon qui l'a particulièrement arrêté chez Sainte-Beuve, et la première fois que je la vois apparaître, c'est Proust, c'est précisément dans Sésame et les Lys. C'est la première note de Sésame et les Lys, de la traduction, qui porte sur une notion proustienne essentielle, celle de l'unité rétrospective. L'unité rétrospective, c'est comme ce rayon balzacien qui saisit l'ensemble de l'œuvre. C'est la première fois que Proust soulève cette question. C'est à propos de l'épigraphe que Ruskin a ajouté après coup à Sésame et les Lys. Emprunté à Lucien, vous aurez chacun un gâteau de sésame et 10 livres. Et voilà la note de Proust, hein, cet épigraphe qui ne figurait pas dans les premières éditions de Sésame et les Lys, projette comme un rayon supplémentaire. Vous voyez l'expression de Sainte-Beuve, le rayon supplémentaire. Et vous pouvez noter en passage que Proust, qui condamnait le comme, l'utilise quand même. C'était l'expression qu'il avait notée chez Sainte-Beuve, hein, comme un rayon. Comme un rayon supplémentaire qui ne vient toucher que la dernière phrase de la conférence. Donc il y a ce rayon qui s'étend de l'épigraphe à la dernière phrase de la conférence de Ruskin. Dès le début, Ruskin expose ainsi ces trois thèmes. Alors, les trois thèmes, c'est les trois sens du sésame. Sésame, c'est le sésame des mille et une nuits, la parole des mille et une nuits. Puis c'est une métaphore ou une allégorie de la lecture. Et enfin, on revient au sens littéral, le grain de sésame dans l'épigraphe. Ce qui fait que l'allégorie est une allégorie d'allégorie. Et à la fin de la conférence, il les mêlera inextricablement dans la dernière phrase où sera rappelée dans l'accord final la tonalité du début. C'est son procédé, il passe d'une idée à l'autre sans aucun ordre, mais en vérité, il y a un ordre sous-jacent, la fantaisie qui le mène sur ses affinités profondes, qui lui impose malgré lui une logique supérieure, si bien qu'à la fin, il se trouve avoir obéi à une sorte de plan secret qui, dévoilé à la fin, impose rétrospectivement à l'ensemble une sorte d'ordre. Alors, comme on le sait, cette théorie de l'unité rétrospective, hein, du rayon qui s'étend sur toute l'œuvre, elle sera longuement évoquée dans La Prisonnière, où Proust évoque l'unité rétrospective, l'unité de vision. Une œuvre, c'est une unité de vision. Et enfin, la phrase type, l'idée qu'il y a une phrase type. Et vous voyez qu'avec le rayon, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de cette phrase type de Sainte-Beuve. Et on va retrouver, à propos de Balzac, hein, je reviens à Balzac, c'est l'idée de génie de Balzac, et on a là l'ébauche de ce qui sera La Prisonnière, mais voici le passage qui m'intéresse, où le rayon revient. La sœur de Balzac nous a raconté la joie qu'il éprouva le jour où il eut cette idée, et je la trouve aussi grande ainsi que s'il l'avait eue avant de commencer son œuvre. C'est un rayon qui a paru, qui est venu se poser à la fois sur diverses parties ternes jusque-là de sa création, les a unies, fait vivre, illuminé, mais ce rayon n'en est pas moins partie de sa pensée. Alors on est dans le contre-Sainte-Beuve, mais vous voyez que Proust écrit comme Sainte-Beuve, avec cette métaphore prolongée du rayon qui part de cette fin de l'œuvre pour lui donner son unité. C'est pour ça que l'expression par laquelle j'ai commencé, l'étendue du rayon de Chateaubriand, elle est véritablement une expression clé de toute cette analyse de Proust. Eh bien, il est sans surprise que ce rayon revienne dans le pastiche de Sainte-Beuve, des pastiches et mélanges. Lorsque Proust pastiche Sainte-Beuve et qu'il nous donne la critique du roman de M. Gustave Flaubert sur l'affaire Lemoine par Sainte-Beuve dans son feuilleton du Constitutionnel, on trouve cette phrase « L'auteur, Flaubert donc, est le fils d'un homme bien regrettable que nous avons tous connu, professeur à l'école de médecine de Rouen, qui a laissé dans sa profession et dans sa province sa trace et son rayon. » Le père de Flaubert. Et un peu plus loin, dans le même pastiche, « Sans remonter aux anciens, bien plus naturalistes que vous ne serez jamais, mais qui sur le tableau découpé dans un cadre réel font toujours descendre à l'air libre et comme à ciel ouvert, un rayon tout divin qui pose sa lumière au fronton et éclaire le contraste. » Deux rayons dans cette courte page du pastiche de Sainte-Beuve dans le Figaro du début de 1838. Alors je disais, ce mot de rayon est évidemment un mot très proustien. J'avais il y a longtemps eu de l'intérêt pour le soleil rayonnant sur la mer, vers de Baudelaire, qui revient ça et là dans La recherche du temps perdu, et je donnerai un seul cas aujourd'hui de ces retours, au fond de cette dette de Proust envers Sainte-Beuve, pour cette notion du rayon et de l'unité rétrospective, de l'étendue du rayon. Les souvenirs des songes, il parle de ces souvenirs des songes, mais si enténébrés que souvent nous ne les apercevons pour la première fois qu'en plein après-midi, quand le rayon d'une idée similaire vient fortuitement les frapper. Le rayon de l'idée similaire, cette métaphore lumineuse du rayon qui revient et qui révèle le rêve de la nuit précédente oublié. Vous voyez qu'il y a tout de même dans ces notes pour le contre Sainte-Beuve beaucoup d'indices de cette affection pour Sainte-Beuve. Et je dirais qu'il y a même un demi-éloge à propos de Baudelaire. Voici ce qu'on trouve toujours dans le cahier 7 à propos de Sainte-Beuve et de Baudelaire. Sainte-Beuve, qui du reste aimait donner des leçons de littérature à ses collègues de l'Académie, comme il aimait donner des leçons de libéralisme à ses collègues du Sénat, parce que s'il restait de son milieu, il lui était très supérieur, tout de même très supérieur à son milieu, et qu'il avait des velléités, des accès, des prurites d'art nouveau, d'anticléricalisme et de révolution, Sainte-Beuve parla en termes charmants et brefs, toujours le charmant de Sainte-Beuve, charmants et brefs des fleurs du mal, ce petit pavillon que le poète s'est construit à l'extrémité du Kamchatka littéraire. J'appelle cela la folie Baudelaire. C'est l'article sur la candidature à l'Académie de janvier 1862. Parenthèse de Proust. Toujours des mots. Des mots que les hommes d'esprit peuvent citer en ricanant. Il appelle cela la folie Baudelaire. Seulement le genre des causeurs qui citaient cela à dîner le pouvait quand le mot était sur Chateaubriand ou sur Royer-Collard, qui revient encore une fois. Il ne savait pas qui était Baudelaire. Bon, voilà encore un passage, je dirais, assez ambigu de Proust sur ce Sainte-Beuve qui est au-dessus de son milieu, et au fond, c'est les autres qui sont ici condamnés. Et puis, on a une concession dans une des lettres de Proust de 1919 à Paul Soudé, c'est justement à propos de l'article de la préface au livre de Blanche, où Proust a refait son procès contre Sainte-Beuve. Proust répond à Paul Soudé: « Je ne dis pas que chacun de ces lundis pris isolément soit absolument faux. Je ne doute pas que le comte Molé ou le chancelier Pasquier aient été des hommes de mérite. Je pense qu'ils font moins honneur aux lettres françaises que Flaubert et Baudelaire, desquelles Sainte-Beuve a parlé en laissant entendre que l'amitié personnelle, l'estime pour leur caractère, dictait en partie les minces éloges qu'il leur accordait. Je ne trouve pas que se tromper sur la valeur d'une œuvre d'art soit toujours grave, mais Sainte-Beuve était critique et de plus proclamait à tout propos que le critique se révèle dans l'appréciation exacte des œuvres contemporaines. Il est aisé, disait-il, de ne pas se tromper sur Virgile ou Racine, mais le livre qui vient de paraître, etc. » Citation que j'ai donnée la semaine dernière, qui vient de Chateaubriand et son groupe littéraire. Vous voyez que, jusqu'au bout, il y a cette sorte d'ambiguïté de l'appréciation, malgré le contre Sainte-Beuve, qui, lui, est en entier à charge. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon, sa série Proust essayiste. Aujourd'hui, Belle Trouvaille. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Réalisation Anne de Pelchin. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Antoine Compagnon son interrogation de Proust essayiste. Il sera question du personnage de Madame de Villeparisis qui a récupéré toute l'ambiguïté de Sainte-Beuve dans le roman à la recherche du temps perdu. Et dans quelques instants, nous plongeons dans une vie, une œuvre. Très belle journée à l'écoute de France Culture.